Ainsi va la vie, mystérieuse, dérisoire. Ainsi va la vie, baby, voici mon histoire. Oh yeah, yeah, yeah. You know what I mean, Jelly Bean. Au début, rue Saint-Georges, Paris 9e. J'avais 5 ans, des ballons, des choux à la crème. On était seuls avec ma mère, tous les deux célibataires. You know what I mean, Jelly Bean. Et puis un jour, on est parti banlieue Est. Maman rêvait toujours de films, de danse, de gestes. Les ringues, begin, dans la cuisine. You know what I mean, Jelly Bean. Le dimanche à la messe, je m'habillais beau garçon. Pantalon qui pique, une veste en carton. Une voisine divine, Evelyne. You know what I mean, Jelly Bean. Dans les établissements scolaires. Les voitures, le foot, j'en avais rien à foutre. You know what I mean, Jelly Bean. Moi c'était pas non plus l'argent qui cloue le bec, qui rend le cœur sec. J'entendais à l'intérieur un air qui m'emportait ailleurs. You know what I mean, Jelly Bean. J'étais bien dans la salle de bain. Quand je faisais mon cirque avec ma guitare en plastique, je m'aime voir dans le miroir. You know what I mean. Dans une chanson un jour, je raconterai mon histoire. Ainsi va la vie, mystérieuse, dérisoire. Je savais tout.